Châtelain Léona, Obino Sente, Bombusa Nova, Bana Joli Pluto. Na poine la voye wae muta kamami awo wana bana e bamona o ngelele oh oh eh ay oh oh na poine la voye wae muta kamami awo oh eh wana bana e bamona o ngelele DJ Rasta number 1 chipare ningono konye Ni dela longa lendenika we wenga ngeza kae yele mundi yo mambo ye Kisapule kwa mwenye ni dela longa lendenika we wenga ngeza kae yele mundi yo mambo Chakal bengeya la force tranquille Allez di Derrière les nouvelles, succès universel. Mon bonheur nous tourne, mon talent nous vient, mon talent m'a. Ouais, mon talent nous vient, mon cœur est mon emballé. Voici-moi comme fleurit Bella. Frère de Jojo, maman, pour son yé. Maman, gando. Oh, dit quand on est bon, la vigne, mon yé. Joli Piso, derrière les Nova. Je suis venu te soumettre, mon problème, oh yeah. Tu m'as envoyé, balade. La poignée de la gueule, la poignée de la gueule, la poignée de la gueule, la poignée de la gueule, la poignée de la gueule, la poignée de la gueule, la poignée de la gueule, la poignée de la gueule, la poignée de la gueule, Frena Jojo Mama Pusson Mama Wana Gando Baka Kane Bola Binyoma Ohe Babu Wa Binyoma Tongo Luma Kosa Mo Wenge Binyo Lula Mona Bo Bo Mo Bolo Kwa Fleu